t'appelles ça du rock, toi? T'as qu'à écouter du Patrick Bruel tant que t'y es. Si tu veux écouter du vrai rock, écoute British Connection, la seule émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Salut, c'est François Guillez dans British Connection. Je suis l'auteur d'une biographie de Bob Dylan qui vient d'être publiée chez Camion Blanc, le plus ancien éditeur de rock en France. C'est à ce jour la seule bio de cet artiste qui va jusqu'en 2021 et qui aborde tous les aspects de sa carrière, la musique, en studio et en concert, ses textes, dans les chansons et dans ses livres, ses films, il en a fait plusieurs depuis 1975, ses peintures qui sont connues depuis environ 2000, etc. Vous allez me dire, Bob Dylan, un Américain dans British Connection, ça va pas, il n'est pas britannique. En fait, Bob Dylan a toujours été très populaire en Grande-Bretagne, peut-être même plus que dans son pays natal. Il a influencé tous les musiciens britanniques à partir des années 60 jusqu'aux années 80, voire plus. Les Beatles, qu'il rencontra à New York en 64. L'anecdote dit que c'est lui qui leur a fait fumer leur premier joint. Les Rolling Stones, dans l'album Beggar's Banquet en particulier. David Bowie a écrit une chanson pour lui. Eric Clapton était son ami dans les années 60 jusqu'à récemment. Il a repris Knockin' on Heaven's Door, entre autres. Pink Floyd, Syd Barrett a écrit Bob Dylan's Blues. Et il a influencé Nick Mason, les Who, Led Zeppelin, les Clash Magazine, l'Irlandais Van Morrison, avec Venom et ensuite en solo, Jimi Hendrix, qui n'est pas un Anglais mais qui a commencé sa carrière en Angleterre et qui a repris All Along the Watchtower, entre autres. Dylan a beaucoup tourné en Grande-Bretagne. En fait, c'est l'endroit du monde où il a le plus tourné après les États-Unis. Bon, tout ça c'est très bien, mais pourquoi écouter Bob Dylan aujourd'hui? Oui, on le sait, il a eu le prix Nobel de littérature en 2016. Mais ça, c'est un titre académique, c'est pas vraiment suffisant pour avoir envie d'écouter ses chansons. En France, en particulier, il est surtout connu pour ses chansons folk des débuts des 60s, des protest songs, bien qu'il ait toujours refusé ce terme. Mais en fait, il a eu une carrière très diversifiée et a des goûts très éclectiques, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette émission. Dans sa jeunesse, les années 50, il était fan de rock et de rhythm and blues de l'époque, en particulier Elvis Presley, Little Richard. C'est à la fin des années 50 qu'il a découvert la musique folk, et en même temps, il y avait un mouvement de renaissance de cette musique aux États-Unis, en particulier à Greenwich Village, à New York. En quelques années, il a réussi à se faire un nom dans cette musique, le folk, en composant ses propres chansons, ce qui était très nouveau à l'époque. Mais au bout de 3 ou 4 ans, il en a eu marre et il a décidé de revenir au rock. Alors là, je vais vous passer une chanson tirée de l'album Desire, un de ses plus connus en France. Ça s'appelle Isis, Isis comme la déesse égyptienne. Et c'est une version jouée pendant la tournée de 75, la Rolling Thunder Review, qui a été le sujet d'un film de Martin Scorsese en 2019. Film diffusé sur Netflix. Remember all the best things she said. find. If I carry it out, it'll bring a good price. For saying that I knew what he had on his mind. Well, the wind, it was howling, and the snow was outrageous. We chopped through the night, and we chopped through the dawn. When he died, I was hoping that it wasn't contagious. But I made up my mind that I had to get out. But the casket was empty. There was no jewels, no nothing. I thought I'd been had. When I saw that my partner, he was just being friendly. When I picked up his offer, Lord, must have been mad. I picked up his body and I dragged him inside. Threw him down in the hole. I put back the cover. I said a quick prayer just to feel satisfied. Then I went back to find Isis just to tell her I love her. To rise, lying at my sleep and in need of a bed. I came in from the east with the sun in my eyes. I cursed her one time, then I rolled on her head. She said, where you been? I said, no place special. She said, you look different. I said, well, I guess. She said, you've been gone. I said, that's only natural. She said, you gonna stay? I said, if you want me to, yeah. Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. C'est François Guillez dans British Connection. Je suis l'auteur d'une biographie de Bob Dylan qui vient d'être publiée chez l'éditeur Camion Blanc. Je suis aussi webmaster du seul site francophone sur Bob Dylan, bobdylan-fr.com, créé en 2000. La version de cette chanson de Bob Dylan, Isis, a été enregistrée à Montréal le 4 décembre 1975 et se trouve sur une compilation sortie en 1985, Biographe, qui est une excellente introduction à Bob Dylan et dont l'édition 3 CD est vendue pour quelques euros. Pour continuer l'historique de Bob Dylan, après les années folles, il a fait un scandale en juillet 65 au festival de Newport en jouant de la guitare électrique avec un groupe. En deux ans, en 65-66, il a sorti trois albums rock qui sont toujours dans le top 10 de ses albums, dont le double Blonde on Blonde, le premier de la musique populaire. En même temps, il jouait sur scène avec The Band, le groupe de rock au volume le plus fort de l'époque. À la fin des années 60, il a complètement changé de style en faisant un album country, autre genre de musique qu'il a toujours écouté et aimé, et il a ouvert les portes de cette musique aux rockers. À la fin des 70, il a fait trois albums gospel. À partir de 88, il a fait une centaine de concerts par an avec un groupe de rock, guitare, basse, batterie, et souvent une seconde guitare, dans le monde entier, sauf une interruption pour la pandémie. Pour récapituler, il a joué tous les styles de musique populaire, même des reprises de standards américains dans les années 2010. Comme cette chanson, Isis l'a montré, Bob Dylan joue du rock et chante très bien. On a souvent dit que Dylan ne savait pas chanter, c'est vrai qu'il a une voix, une diction particulière, mais il sait très bien s'en servir pour son répertoire. On se rend vraiment compte qu'il peut très bien chanter dans ses concerts des années 79-81. Fin 78, Bob Dylan se convertit à la religion chrétienne et décida d'écrire des chansons gospel qui parlaient de Dieu et de la religion et de ne chanter que ses chansons sur scène en ne chantant plus aucune de ses chansons d'avant. Évidemment, cela causa beaucoup de bruit et une grande incompréhension de la part de ses fans. D'abord, il est d'origine juive, en principe c'est impossible d'être chrétien pour un juif. Ensuite, il représentait la révolte contre l'ordre établi et il disait maintenant qu'il fallait se soumettre à Dieu. Tout ce bruit ne l'empêcha pas d'enregistrer plusieurs l'album et de tourner pendant 2 ans sans s'occuper des réactions de ses anciens fans. On peut ne pas être d'accord avec le message envoyé par ses chansons à cette époque, mais en concert, Dylan s'est donné à fond. Il a envoyé. Son groupe était excellent et il fit de trois bonnes prestations presque chaque soir. En fait, c'était du rock avec des paroles et des chœurs de gospel. Je vais vous faire écouter un extrait de ses concerts qui a été publié officiellement en 2017 sur le Bootleg Series Volume 13. Les Bootleg Series de Dylan sont des compilations d'enregistrements inédits en studio ou en live. Ces compilations nous ont permis de découvrir des perles. Il y a eu 16 compilations à ce jour et ce n'est pas terminé car Dylan a l'habitude de ne jamais publier toutes les chansons qu'il a écrites pour un album et de jouer des reprises en studio. Tout cela est détaillé dans ma biographie qui vient de paraître aux éditions Camion Blanc. La chanson que je vais passer, Prancing On, était jouée en rappel tous les soirs en concert de 79 et 80. Elle commence par la voix de Dylan accompagnée par le piano, puis les choristes se joignent à lui et au final se déchaînent. Cette chanson transportait le public et même ceux qui ne croyaient en rien sortaient enchantés du concert. Well, I'm pressing on. Yes, I'm pressing on. Well, I'm pressing on to the higher calling of my Lord. Said I'm pressing on. Pressing on. Pressing on. Well, I'm pressing on to the higher calling of my Lord. Many try to stop me, try to shake me up in my mind. Say, prove to me that he's Lord. Show me a sign. A sign. What kind of sign they need when it all comes from within? When what's lost has been found, what's to come is already been. I just keep pressing on. On and on and on and on. Pressing on. Turn back, pressing on to the higher, calling on my Lord. Pressing on. British Connection, just rock. Vous venez d'entendre Pressing On de Bob Dylan, enregistré à Toronto le 18 avril 80 et publié en 2017 sur la compilation Bootleg Series Volume 13. C'était un court extrait d'un concert de la période gospel de Bob Dylan, connu aussi comme sa période religieuse ou encore chrétienne, pendant laquelle il n'a composé et chanté que des chansons chrétiennes. En fait, cette phase n'a duré que 2 à 3 ans, de fin 78 à 81. Ensuite, il a gardé ses convictions religieuses pour lui-même et a recommencé à composer et à chanter des chansons profanes. Ses chansons parlent de tous les sujets, de la vie en général, dans un langage poétique et en utilisant des métaphores, tout en s'inspirant et en faisant des références multiples aux chansons anglo-saxonnes, traditionnelles et autres, et à d'autres poètes ou écrivains. Rimbaud, les poètes Beat, Homer, William Blake, Shakespeare, T.S. Eliot, etc., etc. Ou encore à des philosophes de l'Antiquité gréco-romaine et à des philosophies orientales. C'est pour cette façon unique d'écrire que Bob Dylan a été couronné du prix Nobel de littérature en 2016. Comme je l'ai dit rapidement dans cette émission, Bob Dylan a continué à faire des albums de façon plus ou moins rapprochée jusqu'en 2020, et il a fait sans arrêt des tournées depuis 86. Son dernier album est sorti en juin 2020, il s'appelle Rough and Ready Ways. Il a été précédé en mars par une chanson, Murder Must Fall. Elle fait 17 minutes, ce qui est un record pour Bob Dylan, même s'il avait déjà composé d'autres chansons longues. Chaque vers de cette chanson fait référence à énormément d'autres chansons et autres œuvres artistiques, et à des événements de l'histoire américaine, principalement l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en novembre 64. Je vous invite à consulter le texte original et ma traduction de cette chanson sur le site bobdylan-fr.com, et pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai écrit un livre intitulé Bob Dylan 2020 qui commente en détail ce qu'a fait Bob Dylan en 2020, son dernier album et les spectacles qui ont suivi en 2021. On ne trouve ce livre que sur Amazon car il est édité à compte d'auteur. La troisième chanson que je vais passer est encore une version live car Dylan est presque toujours meilleur en concert qu'en studio. Il adore la spontanéité et a horreur de faire la même chose de la même façon deux fois de suite. Pendant des années, il ne faisait jamais la même setlist d'un soir à l'autre. Cela n'est plus vrai maintenant, mais sur scène, il lui arrive de changer complètement les paroles et même la mélodie des chansons. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes ces infos et beaucoup d'autres dans ma biographie de Bob Dylan, qui vient d'être publiée chez l'éditeur Camion Blanc. On y trouve une description de toutes les étapes de sa carrière jusqu'à nos jours, avec des anecdotes et les raisons qui l'ont poussé à agir de telle ou telle façon, ses motivations. On y trouve aussi une bibliographie et une discographie détaillée. Les illustrations de ce livre sont sur mon site web Bob Dylan. Dylan-fr.com. Pour finir, je vais passer cette chanson sortie en juin 2020, False Prophet, dans une version jouée à un de ses derniers concerts à ce jour, le 21 novembre 2021 à New York. Bonne lecture et bonne écoute! I go where only the Lord can go. was her parents? What's your jest? Ain't no horse coming. Oh, I just said what I said. I'm just not here to bring vengeance on somebody's head. Put out your hand. Ain't nothing to hold. Open your mouth. I'll stuff it with gold. Are you a devil? The guns of your wheel. The city of God is there on the British Connection, l'émission rock vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la deuxième partie de l'album de la semaine, c'est le duo Diva, l'album Lovatomique. Personal Garbage, le titre à lui seul résume toute l'histoire. C'est souvent dans un bordel ambiant et personnel que surgissent les idées de compo chez Diva. Des phrases cash en mode claque dans ta face. Salut Philippe, on voulait aussi souhaiter un très bon anniversaire à British Connection qui fête ses 40 ans de rock et de trop bons sons cette année. Merci à toi mec, keep on rocking. You like to eat me, you like to kiss my food, you like to see my dog, come out and play with me. You wanna mess with me, try to touch me and you see. I was getting high, I wasn't myself anymore. I thought I was a junkie, free from those foolish love affairs.